lutin lui bouffe la cervelle. Des chaînes hurlent dans ses oreilles. Les fourmis hantent tous ses sommeils. Le whisky lui souhaite bon réveil. Et toutes ces lumières qui l'appellent.